الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، إن شاء الله تعالى بحول الله عز وجل continue quant à l'explication des versets coraniques de سورة اللقمان، ونواصل مع قول الله عز وجل. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل il parle de لقمان الحكيم quand il exhorte son fils et il dit subhanahu wa ta'ala sur لقمان. Et lorsque لقمان dit à son fils tout en l'exhortant: oh mon fils, n'associe rien à Allah azza wa jal, ou ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui rappelle la raison de cela et il dit « Inna shirka la zulmun azim » car ici l'association est une injustice énorme. Et on avait parlé de l'éducation des enfants lors de 2 ou 3 cours et on s'était arrêté la semaine dernière avec cette recommandation très importante qui est le fait de montrer le bon exemple aux enfants. Car si on veut ici que notre enfant nous respecte, il faut avant tout se respecter et il faut avant tout comprendre et mettre en application ce terme qui est le respect. L'ihtiram. Donc avant tout, il faut que la femme respecte son mari. Et avant tout aussi, il faut qu'il y a le mari qui respecte sa femme. Et il faut que eux-mêmes se respectent eux-mêmes. Et ensuite, après cela, bi'idnillah azza wa jal, ils pourront dire, nous avons réussi ou nous avons fait les causes qu'il fallait pour inculquer le respect à nos enfants. Walakin, quand l'homme se respecte pas, quand la femme ne se respecte pas, quand la femme ne respecte pas l'homme, quand l'homme ne respecte pas la femme, ici, comment voulez-vous que l'enfant grandisse avec ce qu'on appelle le respect? Non seulement il ne se respectera pas lui-même, il ne respectera pas les personnes âgées, il ne respectera pas, peut-être même pas ses propres parents, comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? La raison principale, l'enfant, ici il a vu ses parents ne pas se respecter eux-mêmes. La mère qui hausse le ton sur le père qui frappe la mère, et au nom de quoi? Quelquefois, au nom de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Bima'na, c'est-à-dire, le père, il donne une apparence religieuse, walakin, il frappe sa femme. Ici, la femme, elle te met le djilbab ou le hijab al-shar'i, elle donne une apparence religieuse, walakin, elle insulte son mari. Et ça, c'est des cas qui existent. Combien de cas on a eu? Des cas concrets. Et je dis pas des dizaines, mais des centaines. Ne serait-ce que ici, en France ou dans quelques pays d'Europe. Ici, des comportements, wal'iyadu billah, qui feraient peur même à n'importe quel non-musulman. Alors que eux, ils se disent, on est dans la religion. D'accord, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah alayhi salatu wa salam. On aime Allah, on aime son messager, et tu vois que l'ihtiram, il n'y a même plus entre l'homme et la femme. Ensuite on dit pourquoi nos enfants nous manquent de respect. Ya akhi al-habib ya ukhti al-karima. Tes enfants, ils ont grandi dans une ambiance où ils n'ont pas connu le respect. Donc si tu veux que tes enfants ici gardent ce qu'il y a ou ce qui fait partie des choses les plus importantes concernant la bonne moralité, c'est-à-dire l'ihtiram, le respect, inculque à tes enfants depuis leur plus jeune âge c'est quoi le respect. Montre-leur, pas simplement à travers la langue, mais à travers le comportement. À travers le comportement, ici, qu'est-ce que c'est que le respect? Toi, ma sœur, quand tu parles avec ton mari, n'ose pas le ton. D'accord? Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit, la voix la plus détestée d'Allah Azza wa Jal, c'est certes la voix des ânes. Wardun min sautik, ça c'est les recommandations, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Ici, sur lesquels on va s'arrêter par la suite, inshallah ta'ala, la croyante comme le croyant ne crie pas. Ce n'est pas, ici, ça ne fait pas partie du comportement ni du prophète, ni des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Si ce n'est dans certains cas, comme warada dhalika fi sahih, où le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il faisait une khutbah de jumu'ah, on l'avait dit. Ici, l'eau, c'est le ton. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, inna alhamdulillah, nahmadu. C'était le prophète, alayhi salatu wassalam, pour réveiller un peu les cœurs, réveiller un peu les consciences, réveiller un peu les âmes. D'accord? Il haussait le ton. Il devenait rouge son visage. Donc ça, il y a des moments où il y a une raison. Walakin, de façon générale, et la règle de base, c'est que le croyant, il parle avec douceur, avec sagesse. Il n'ose pas le ton. Il crie pas, et encore moins la femme sur l'homme. L'homme aussi envers la femme, mais encore moins la femme sur l'homme. Et qu'est belle la femme qui parle et qui se comporte avec pudeur. Il n'y a pas une femme plus belle que cette femme-là sur la surface de la terre. La femme qui parle et qui se comporte avec pudeur. Al-haya, et on avait dit que la pudeur, ce n'était pas simplement le fait de mettre un long djilbab ou bien de mettre un grand kamis ou alors un kamis court plutôt avec une grande barbe. C'est pas que ça la pudeur. La pudeur, ayol ahibba, c'est le fait de parler avec pudeur, le fait d'agir avec pudeur, le fait de marcher avec pudeur. C'est-à-dire le fait de parler avec ce que Allah aime, d'une façon convenable, d'une façon qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, d'une façon dont le prophète alayhi salatu wa salam nous a apporté les descriptions et nous a enseigné. C'est comme ça que le croyant et la croyante doivent réagir à travers leurs paroles. C'est de marcher comme Allah Azza wa Jal nous l'a enseigné. C'est une forme de pudeur. وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Et les serviteurs du miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur la terre de façon humble. C'est le fait de se comporter d'une façon pudique, c'est-à-dire avec retenue, avec politesse, avec respect. La pudeur, c'est un tout, ayyuhal ahibba. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, kama ja'a fi sahih, chaque religion a sa moralité, et la moralité de cette religion n'est autre que quoi? La pudeur. Le jour où la pudeur se fait, je ne dis pas a disparu, mais se fait très rare ou de plus en plus rare. Chez les croyants et les croyantes, dans les demeures et dans les mosquées, dans la rue et dans les marchés, la pudeur se fait de plus en plus rare malheureusement, alors que la moralité de cette religion c'est quoi? La pudeur. Le respect s'est fait de plus en plus rare. Surtout à notre époque, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'on doit se comporter de la meilleure des façons, même avec les animaux, avec les gens annas de façon générale, c'est-à-dire avec même des non-musulmans. On doit se comporter de la meilleure des façons au jour où les musulmans entre eux, alors qu'Allah dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, il y a que très peu de comportements, de respect, d'affection entre les croyants et les musulmans. Et ça, c'est une preuve que la pudeur se fait de plus en plus rare, ayyuhal ahibba. Si on veut que nos enfants grandissent avec cette pudeur, avec ce respect, avec ce comportement, on doit d'abord s'éduquer soi-même. Et ici, quand nous, les parents, on se sera éduqués, ici, à travers notre comportement, les enfants vont vouloir nous imiter. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ici, ça aura plus, ici, d'impact sur ton enfant, d'avoir un bon comportement, que si tu lui parlais jour et nuit. Ici, tu n'as même pas besoin de parler, ou si ce n'est, tu as besoin de parler que très peu. Si tu as un bon comportement, khlas, il va grandir. Il verra jamais son père crier, jamais sa mère crier. Sa mère respecter le père respecter la mère. Alhamdulillah, savoir c'est qui le responsable et le chef de famille, tout en ayant un respect mutuel. Ici qu'il y a une organisation à la maison, il y a un ordre à la maison. On fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas un sourd à la maison, ce n'est pas, non, il y a des heures où on mange, il y a des heures où on dort, il y a des heures où il y a des cours. Il y a une autorité qui s'installe à la maison et qui est présente dans la maison. Il y a une éducation dans la maison. Ce n'est pas je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. Et c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière que le père, que la mère doivent allier entre quoi? L'autorité, d'accord? Et la douceur. Car être autoritaire ne veut pas dire être dur dans tous les cas. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être doux, gentil, mais tout en étant autoritaire. Et si quelquefois, il faut hausser le ton dans certains cas pour être autoritaire, d'accord? Ou pour montrer son autorité parce que le besoin yani est demandé et est présent, à ce moment-là, il n'y a pas de mal de le faire. Voilà, kin, ça, c'est des exceptions. Ce n'est pas tout le temps, toute la journée. Le père qui crie, la mère qui crie, les gens passent devant la rue et ils entendent les voisins aussi, les parents crier. Comment tu veux que tes enfants, ils grandissent avec une certaine sérénité, avec un certain calme? Ne t'étonne pas après si tu entends tes enfants qui crient toute la journée. Ah, pourquoi? Il entend que ça toute la journée. Donc l'enfant, il reproduit ce qu'il voit. Il reproduit les comportements. Donc c'est pour ça que les gens, quelquefois, ils cherchent des réponses, d'accord, où il n'y a pas de réponse adéquate. Ils se disent, pourquoi mon enfant est comme ça? Peut-être que ça, c'est à cause du fait qu'il y a telle ou telle chose. Non, la réponse, elle est dans toi. Parce que toi, tu n'es pas éduqué. Quand toi, tu seras éduqué, ta femme, ton épouse sera éduquée, bi-idnillahi azza wa jal, ton enfant sera éduqué. Ton enfant sera éduqué, bi-idnillahi azza wa jal, comme il se doit. Il aura acquis un comportement, un caractère inné. Et ce caractère inné va le suivre jusque sa mort, bi-idnillahi azza wa jal. Contrairement au fait que si quoi, tu lui pourris la vie en lui montrant un mauvais comportement, en criant toute la journée, en te comportant mal, ici avec toi-même, avec les habitants de ta demeure, ton enfant va reproduire et malheureusement il n'aura pas ce comportement ici qui est demandé, c'est-à-dire la pudeur, le respect, le calme, ce comportement, ce caractère inné. Il sera obligé de rechercher ce comportement et d'avoir un comportement acquis. Et ici tu ne lui auras pas facilité la tâche, Abdallah. Donc n'oublie jamais ça. Nous devons d'abord nous éduquer nous-mêmes si on veut que nos enfants soient éduqués. D'accord? Si on veut que nos enfants soient éduqués. Quand quelqu'un frappe à la porte de chez toi, n'envoie pas ton fils en lui disant, regarde c'est qui quand il te dit c'est Mohammed, dis-lui que je suis pas là. D'accord? Parce que cet enfant, il va dire, si mon père ment et il me dit de dire que lui il est pas là alors qu'il est là, ne t'étonne pas si quand il grandit, il va te dire, j'étais là-bas alors qu'il t'a menti. Kama tadinu tudan. Comme tu as fait, on va te faire. Kama fa'alta yuf'alu bika ya Abdallah. Comme tu as fait, on te fera. Et c'est toi qui l'as éduqué sur cette voie-là, cette voie d'égarement, wal'iyadu billah. Si tu veux que ton enfant soit véridique, sois véridique. Si tu veux que ton enfant fasse des efforts dans la religion, fais des efforts dans la religion. Si tu veux que ton enfant soit pieux toi déjà. Si tu veux que ton enfant apprenne le Coran, elle qu'elle montre Allah Azza wa Jalla, tu fais des efforts pour apprendre le Coran. Si tu veux que ton enfant aille à la mosquée, va à la mosquée déjà. Si tu veux que ton enfant ne fume pas la cigarette, ne fume pas la cigarette toi déjà. C'est logique ou pas? C'est logique. On n'a rien sans rien. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَسَاعَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Avec une traduction approximative, l'être humain n'aura que ce qu'il a. Il aura quoi? Il prendra les fruits de ce qu'il a semé. Il récoltera que ce qu'il a semé. C'est-à-dire, si toi tu veux que ton fils soit bien, sois bien. C'est logique. C'est pas de la physique nucléaire. Tu veux que ton fils soit bien, sois bien. T'aimerais bien que ton fils soit vertueux, sois vertueux. Allah Azza wa Jalla fera de ton fils ce que tu es toi déjà, ya Abdallah. Et particulièrement selon tes intentions, selon les intentions qui résident dans ton cœur. C'est quelle est ta alaqa, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est fort, bi'idnillah Azza wa Jalla, le lien entre ton fils et Allah sera fort. Allah Azza wa Jalla, il n'est pas injuste, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat. Et on n'aura que ce qu'on mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste et équitable. Et parmi les raisons aussi qui nous permettent d'éduquer bien nos enfants, c'est d'avoir, comme on avait dit aussi, un bon environnement. Un bon environnement, c'est-à-dire un foyer ici où il y a yani une bonne ambiance. Et pour avoir une bonne ambiance dans le foyer, il faut une bonne organisation. C'est-à-dire, comme je disais précédemment, il faut qu'il y ait un foyer structuré, organisé, éduqué. L'enfant ne mange pas quand il veut. Il ne mange pas où il veut. Il ne dort pas à quelle heure qu'il veut. Il ne regarde pas ce qu'il veut à la télé. Ce n'est pas lui le chef dans la famille. Ce n'est pas lui le roi, ce n'est pas lui le prince. Ce n'est pas lui le responsable de la famille alors qu'il a 4 ans. Comme on voit maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est les enfants de 4 ans qui commandent dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déséquilibre dans la famille déjà à la base. Soit peut-être l'homme est devenu une femme et la femme est devenue un homme. Façon de parler, vous voyez ce que je veux dire. Donc il voit un déséquilibre. Donc maintenant toute la balance ici c'est retourné, c'est renversé. Khalas. Il n'y a plus de juste milieu et d'équilibre dans la famille. Donc ici, il n'y a plus de bien-être dans la famille. Ça a poussé l'enfant à dire quoi? C'est moi le responsable et c'est moi qui va décider. Et tu lui dis non, tu vas regarder ça. Non, je veux ça. Il a 4 ans. Subhanallah, ajib. Alors que peut-être toi, tu avais 17 ans, tu aurais dit non à ton père, peut-être tu l'aurais mangé. Voilà qu'il est ici, maintenant 4 ans, il commande. Pourquoi? Il y a un problème, il y a un déséquilibre. Chaque personne doit rester à sa place, ayyuhal ahibba. Il y a un responsable de famille qui est le père. C'est le père. Ici, il y a une femme qui n'est pas un esclave dans la demeure. C'est une femme croyante. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْآيَةِ. Allah dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable. Qu'est-ce qu'ils font? الدُّنْيَا ou alors ils font... Non, Allah Azza wa Jalla rappelle. Ici, leur principale raison de vivre, c'est l'islam. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Ils s'entraident dans quoi? Pas dans les choses mondaines. Ils ordonnent le convenable. Ils interdisent le blâmable. الْآيَةِ. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'on se doit de s'entraider dans le bien. On doit craindre Allah. Ce n'est pas un esclave que tu as à la maison, mais c'est une femme croyante. Et toi, tu es le responsable de famille, ça ne veut pas dire que tu as tous les droits. Comme certaines personnes se disent, moi je suis le responsable de famille, elle se tait, j'ai droit ici de la martyriser, j'ai droit de la frapper, j'ai droit de la ceci, j'ai droit de la cela. Et la femme skena dit, ouais, est-ce que je dois sbar? D'où ça sort cette religion? Est-ce que Allah Azza wa Jalla t'a permis de frapper ta femme? Est-ce que le prophète Azza wa Jalla t'a permis de frapper ta femme, d'opprimer ta femme, de crier jour et nuit sur ta femme sans raison, en te disant, oui, moi, c'est moi le responsable de famille, ça s'arrête là? Abadan. Donc ici, il y a un respect à avoir de la femme envers le mari et le mari envers la femme. Mais le responsable de famille, c'est qui? Le chef de famille, c'est qui? Il n'y en a pas deux. Il y a un, c'est le père, c'est l'homme, c'est lui qui tranche, c'est lui qui prend les décisions. Il faut qu'il y ait un équilibre pour que l'enfant, quand il grandisse, ici, il voit que le chef de famille, c'est le père, et que lui un jour sera père, et que c'est une lourde responsabilité, et qu'il se doit d'être responsable, et grandir avec cette envie d'être un père et un homme. Et la femme, et la fille, qui est une future femme, inshallah, elle grandit avec cette bonne ambiance en se disant, un jour je serai comme ma mère, et je veux être comme ma mère, et ici, je ne veux pas commander mon futur mari, walakin, je sais qu'il y aura un chef de famille, et que moi, je me dois, ici, de satisfaire mon mari, et c'est une des causes de mon entrée au paradis. Comme a dit alayhi salatu wa salam, si la femme elle fait son mois, elle jeûne son mois du Ramadan et elle préserve sa chasteté, elle prie ses cinq prières, wa ata'at zawjaha, parmi les conditions, et elle obéit à son mari, qila laha dukhuli al-jannah min ayyi abwab al-jannati shi'ti, il lui sera dit rentre par n'importe quelle porte du paradis. Khlas, j'ai grandi avec une cause qui me fera rentrer au paradis inshallah ta'ala, c'est-à-dire en voyant ma mère respecter son père, mon père, c'est-à-dire son mari, et c'est ce qui est demandé en islam. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et ici, quand c'est l'heure de manger, les enfants mangent. Quand c'est l'heure de dormir, on ne fait pas dormir les enfants à 2h du matin. À les habituer à dormir à des heures tardives. Et après, on dit, quand on dit, c'est bien de réveiller les enfants quand ils ont 6-7 ans pour faire salat al-fajr. Oh, miskin. À 7h du matin, tu vas le réveiller pour faire salat al-fajr. Voilà qu'il pour faire dormir à 2h du matin, il n'y a pas de miskin. Non, au contraire, c'est bien, il faut le laisser. Et regarder des dessins animés. Donc regardez, on a tout, on a déséquilibré. Ici, le foyer conjugal, wal'iyadu billah. Chaque chose a sa place. Les enfants, ils dorment tôt. Quand c'est l'heure de manger, tout le monde mange. L'enfant, il fait des caprices, eh ben, il laisse ses caprices mourir. C'est pas lui le chef, c'est pas lui le commandant à la maison. Avec le meilleur des respects, avec la bonne exhortation et la douceur, on lui fait comprendre, attention. Ici, il y a un responsable dans la famille. Toi, tu n'es pas le responsable dans la famille. Il y a une règle, il y a un comportement, un mode d'emploi à suivre ici quand tu rentres dans ce foyer. Tu le suis. Si tu le suis pas, eh ben, à ce moment-là, tu assumes tes responsabilités. Walakin, ici, on te laissera pas faire ce que tu veux. Il faut éduquer l'enfant comme il se doit. Jusqu'à ce qu'on voit des enfants qui ont 4-5 ans qui frappent leurs parents. Ça existe, ça. Wallah, on en a vu. Des enfants qui frappent leurs parents, qui lèvent la main comme ça sur son père. 4-5 ans. Il y a un problème quelque part ou pas? Wallah, il y a un énorme problème. Le problème, il est où? Est-ce que vous croyez que l'enfant, il a dormi, il a une révélation? Maintenant, demain, tu vas te réveiller, tu vas lever la main sur ton père? Est-ce qu'il a fait un rêve qui a fait que... Bon, peut-être si tu me dis il a vu un dessin animé où un jeune frappait son père, là je te crois peut-être. Soit c'est ça, soit c'est quoi? Il a vu un déséquilibre où? Chez ses parents, le père et la mère. Le père n'est plus le père, la mère n'est plus la mère. Ici, c'est peut-être même qu'il a vu sa mère prendre le dessus sur beaucoup de choses sur le père. Donc là, l'enfant il se dit, ah, dès qu'il voit un déséquilibre, l'enfant va être déséquilibré. L'enfant va être déséquilibré. Et il va lever la main sur son père. Il y a un problème, c'est chez qui? Le père et la mère. Le père et la mère, il y a un problème quelque part, ça c'est sûr. Et ça on l'a vu, j'ai des gens investis dans la religion où l'enfant lève la main sur le père. Il y a un problème, il faut y remédier, et le plus rapidement possible. Avant que ton fils n'ait 12-13 ans et il ne fasse comme on a vu des enfants le faire, et vous le savez très bien, et si c'est pas pour ici condamner ou alors pour critiquer simplement, mais c'est un exemple concret. Chez les non-musulmans, c'est ce qu'on voyait fréquemment. En tout cas moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais... Par exemple, je me rappelle, 14 ans, 15 ans, moi je voyais ça que chez les non-musulmans. Le fait de voir un enfant qui a 14 ans, 15 ans et qui insulte sa mère, qui parle mal à sa mère. Pour nous, c'était inimaginable. Moi, en tout cas, de ma génération là, ici, j'ai la trentaine, ici 30 ans, ici, c'était inimaginable quand j'avais 14, 15 ans. Impensable, 17, 18 ans, impensable de voir ça chez les musulmans. C'est que à partir des 20 ans où j'ai eu 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à voir ça apparaître chez les musulmans. Les autres générations qui sont arrivées quand ils ont eu 14, 15 ans, ils ont commencé à parler comme ça à leurs parents. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, ceci. C'était inimaginable à notre époque. Donc regardez le déséquilibre, l'iyadu billah, qu'il y a de plus en plus. Et d'année en année, ici, ce déséquilibre s'intensifie de plus en plus malheureusement et touche de plus en plus les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un gros problème. Donc nous disons aux frères et aux sœurs, ça suffit pas d'avoir la barbe et le qamis. Ça suffit pas d'avoir un djilbab et d'avoir un sitar. Voilà qu'il nous disons, il faut avoir un comportement qui suit notre tenue vestimentaire et notre apparence. C'est bien beau de dire j'aime Allah, j'aime son messager, et d'avoir un qamis et un djilbab. Voilà qu'il dans le comportement, wal'iyadu billah, tu ne vois aucune trace, si ce n'est très peu de traces concernant la pudeur, la moralité de l'islam. La femme, quand elle parle avec douceur, avec sagesse, et elle ne cesse de s'embellir, plus elle se rapproche de la pudeur, et ici elle se concentre dans ce caractère qui est la pudeur, et plus elle ne cesse de s'embellir. Et Allah Azza wa Jal va embellir de plus en plus cette femme-là, car une femme douce, une femme pudique, une femme qui a de la pudeur, une femme qui est sage, une femme qui est calme, ne peut que s'embellir de jour en jour. Et une femme, bien que ça soit la femme la plus belle au monde physiquement, wallah, si elle insulte, si elle parle mal, si elle crie, wallah, n'importe quel mari va dire, ma femme, c'est peut-être la femme qui fait partie des femmes les plus moches. Il aura un dégoût envers elle, c'est vrai ou pas? Qui va pouvoir rester vivre avec une femme qui est insolente? Même si c'est je ne sais qui la plus belle femme du monde. Wallah, il pourra pas rester vivre, ou si ce n'est, il va vivre une vie pleine de gêne, wal'iyadu billah. Donc nous disons, ayouha l'ikhwat wal akhawat, al-haya, la pudeur. La pudeur, c'est un bien. Si on veut voir nos enfants nous respecter, il faut leur inculquer la pudeur. Si on veut voir nos enfants grandir avec la pudeur, il faut que nous on agisse avec pudeur et qu'on se comporte avec un comportement exemplaire et qu'on ne reste pas focalisé sur des défauts. Et ici, on ne peut pas se dire, nous, à notre époque, surtout, ayouha l'ahibba, où ces maladies se font de plus en plus répandues, ou sont de plus en plus répandues, se dire, oui, mais moi j'ai ce défaut, donc j'arrête, je reste avec ça, la ghalib, qu'Allah me guide, mais moi je veux pas faire défaut. Non. Si on a ces défauts-là, on se corrige, et on va de l'avant. Parmi les causes aussi qui font que, on peut apporter par la permission d'Allah Azza wa Jal, une bonne éducation aux enfants, c'est ce que tout le monde, je pense, sait, ou la majeure partie des gens savent, c'est la langue arabe. L'ouratul arabi, il y a la langue arabe qui a été délaissée dans les foyers. Et ici, je reviens encore aux générations précédentes. Nous, quand on voyait nos générations, quand on avait 14, 13, 12 ans, c'était banal de parler l'arabe chez nous. D'accord? Du moins, ad-darija. Donc, au moins, l'arabe, quand je dis l'arabe, au moins, ce qui était répandu, c'était les Marocains parlaient le Marocain, algérien, algérien, bien que ça se ressemble. Voilà, c'était darija, la langue de chez nous. Au moins. Au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas, on doit pas parler français avec nos enfants. Comme certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, de 3 ans à 6 ans, ce n'est pas obligatoire l'école. Donc ce que je vais faire, je vais laisser mon enfant aller à la maison, d'accord, parce que c'est pas obligatoire. Et ici, je vais lui faire un programme, et à 6 ans, je le ramènerai à l'école, c'est obligatoire, je n'ai pas le choix, je le ramènerai à l'école. Mais de 3 à 6 ans, qu'est-ce qu'il fait? Soit il y en a qui font simplement ça, excusez-moi du terme, hein, mais pour le fun, ou pour la mode, pour dire, moi, je ramène pas mes enfants à l'école, 3 ans à 6 ans, voilà, khlas, moi, je vais pas dans des écoles non musulmanes, ou je ne sais quoi encore. Voilà qu'une 3 à 6 ans, c'est que pour se montrer devant les gens, mais est-ce qu'il y a un programme qui lui a fait? Aucun programme. 3 à 6 ans, aucun programme, à part les dessins animés, je sais pas quoi encore, aucun programme, ni religieux, ni français, ni rien du tout. Ça c'est un égarement. Ou bien d'autres personnes qui se focalisent que sur l'arabe. Et ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Parce qu'on regarde la réalité des choses, ayouha l'ahibba, nous sommes en France ou pas? Si toi tu vis en France, et de 3 ans à 6 ans tu ne fais que l'arabe à ton fils, je ne dis pas tu fais l'arabe, tu ne fais que l'arabe, et il ne connaît aucun mot de français. Il va arriver à 6 ans. Si tu l'emmènes ensuite à l'école à 6 ans, est-ce qu'il va avoir un retard ou pas? Il va avoir un retard. Donc ils seront peut-être obligés de lui faire redoubler automatiquement sa CP. Et donc il va perdre des années. Et donc, il va avoir un gros retard. Subhanallah. Tu l'as handicapé d'un côté. Donc ici nous disons, fais un programme avec lui. De langue arabe avant tout. De langue arabe avant tout. Est-ce que tu as droit d'acquérir des biens d'ici-bas, d'accord, des plaisirs d'ici-bas, tant qu'ils ne sont pas haram, tu as le droit. Tu as le droit de t'habiller bien, tu as le droit de prendre des moments de plaisir, tu as le droit de prendre des vacances, d'accord, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu laisses pas la religion, mais tu souffles un peu, tu as le droit. Walakin, dans ta vie, est-ce que tu devances et tu fais devancer les plaisirs et les choses mondaines ou ad-din, la religion? C'est quoi? C'est la religion. On se doit toujours de devancer la religion. Mais à côté, si tu prends du plaisir, quelquefois tu fais du sport, c'est pas haram, c'est autorisé. D'accord? Ici, nous disons, si la personne, elle dit, non, ma vie, je la consacre d'abord aux choses mondaines. Et en parallèle, comme je vous avais dit déjà, une option, comme la clim dans une voiture, c'est l'islam. Quand j'ai rien à faire, je vais à la mosquée. Quand je m'ennuie, je fais la prière. Quand j'ai rien à faire, je lis un peu le Coran. Non, zubillah, tu peux pas le faire ça. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Dis, ma vie, ma mort, mes actes de dévotion sont pour qui? Pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Donc on vit pour Allah. Pareil, ayyuha al-ahibba. Ici, quand toi, tu éduques tes enfants, tu dois faire devancer din, la langue arabe. Ici, ce qui va lui profiter dans l'akhirah. Ici, ce qui va lui profiter le plus dans l'akhirah, c'est la langue arabe, c'est l'islam, c'est les principes religieux. Et à côté, en second plan, et on le dit sans complexité ici, sans être complexé ou la... Non, c'est notre religion, on est fiers. Et en second plan, ici, tu lui apprends, tu lui fais un programme de langue française. Même s'il a 3 ans, 4 ans, les lettres de l'alphabet, des mathématiques à son niveau, etc., etc., de la culture générale, etc. C'est assez demandé. Walakin, il y a des gens, que l'arabe, égarement. Il y a des gens, ils disent, non, que le français, égarement. Et il y a des gens qui, masha'Allah, ils disent, l'arabe et le français, mais je fais devancer l'arabe. Masha'Allah. Et il y a des gens qui disent, l'arabe et le français, mais je fais plus de français que d'arabe, égarement. On a trouvé la bonne réponse, na'am. C'est l'avant-dernière. L'arabe et le français. Walakin, je fais d'abord devancer l'arabe. D'abord, je lui fais les lettres arabes. Je lui apprends le Coran et le Karim. D'accord? Et à travers cet apprentissage de l'arabe, ici, ça va faciliter l'apprentissage de la langue française et autres. Parce que ici, le fait de prononcer les lettres arabes, alif, ba, ta, tha, le za, le kha, le ta, le da, le, ça va lui faciliter le fait de dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ce qui c'est plus facile. Donc ici, toi, tu fais devancer l'arabe et en parallèle, tu fais un programme ici pour que aussi il ait un certain niveau quand il rentre à l'école. Il soit pas handicapé ni d'un côté ni de l'autre. Et quand vous voyez par exemple des Portugais, en général, des familles portugaises, quand tu vas chez eux, ils parlent en quoi? En portugais. Quand tu vas chez des Turcs, en général, ils parlent quoi? Turc. En général, hein, c'est rare. La preuve, les parents turcs. Vous connaissez beaucoup de parents turcs qui parlent bien le français, c'est pas pour eux. C'est rare. C'est vrai ou pas? C'est rare de voir des parents turcs. Vous rentrez, même chez des Italiens, ils vont parler quoi? Italien. Vous rentrez chez qui tu veux, il va parler sa langue. Tu rentres chez les Arabes, dont la langue est la langue qu'Allah Azza wa Jal, ou par laquelle Allah Azza wa Jal, ou la langue qui est la langue de le Coran et le Karim. Et ici, c'est une science, la langue arabe, ils parlent français. Et la femme, sous prétexte, oui, mais l'arabe, je connais pas trop l'arabe. Elle va faire des efforts. Il y a des Français, ils s'appellent Michel et Norbert, ils sont pas musulmans. Wallah, ils font des programmes d'arabe intensifs. Vraiment, vraiment, vraiment, à fond, ils se mettent à fond. Un an, deux ans, je dis pas, ils parlent couramment l'arabe. Wallah, qu'alhamdoulilah, ils se débrouillent. En tout cas, comprendre, ils comprennent. Parler arabe de façon claire et facile et couramment, sans erreur, dans an-nahw ou dans la grammaire, dans la conjugaison, etc., c'est certes dur, c'est pas pour démoraliser les gens tout, mais c'est dur, faut reconnaître la vérité. Voilà, qu'ils comprennent et faire des petites phrases, se débrouiller, c'est pas facile, c'est très facile. Faut arrêter quand même, c'est très facile. Tu apprends ne serait-ce que du vocabulaire, tu comprends l'arabe. Quelqu'un te parle en arabe, tu comprends. Tu peux pas apprendre un jour toi ma sœur ou toi mon frère, au moins un jour, tu te dis, écoute bien, regarde le programme minimum. Tu te dis tous les jours, je prends un mot. Cuisine, matbakhoun, cuisine, par exemple. Je me dis un jour, tous les jours, ou même, allez, vas-y, un jour sur deux, j'apprends moi, même si tu le connais pas, moi, un mot en arabe français, et je l'enseigne à mon fils ou à ma fille. Enfin, là, je fais un programme avec mon fils et ma fille. Je dis un jour sur deux et je suis gentil. Même si elle a 3 ans, à partir de 3 ans, l'enfant, là, ça, il t'apprend l'arabe facilement, il commence à apprendre les mots arabes. À 3 ans, un jour sur deux, je prends ici, baytoun, maison, darun, maison aussi. D'accord? Je prends un mot en arabe français, je lui explique. D'accord? Baytoun, maison. L'enfant, c'est quoi? C'est, azzakumullah, ce n'est pas un âne. Il va comprendre. Baytoun, maison. C'est pas de la physique nucléaire. Il va dire baytoun, maison. Un jour, le lendemain, tu lui répètes. Au moins un tous les deux jours. Le troisième jour, un autre mot. Imagine-toi. Chaque mois, il a appris combien de mots? S'il a 3 ans, hein, il a appris combien de mots? 15. 2 mois? 30. 4 mois? 60. 60 mots de vocabulaire le jour où il y a des gens qui remplissent les mosquées et ils ont 35 ans ou 40 ans, ils ne connaissent peut-être pas 20 mots de vocabulaire en langue arabe, arabe littéraire je dis. Alors que lui il a 3 ans, 3-4 mois, ça y est, il connaît plus qu'une paire. Alors imagine-toi 10 ans. Imagine-toi, et c'est un programme très léger ou pas? Très léger. Walakin kama qala alayhi salatu wassalam. Li Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, quand elle lui a interrogé quelle est la meilleure des actions, qu'est-ce qu'il lui a dit? Adwamuha wa in qal. Celle qui est quoi? Celle qui est régulière, même si elle est minime, elle est petite. D'accord? Ne regarde pas la petitesse de l'action, mais regarde la régularité, c'est ce qui nous importe. Sois régulier. Et dis-toi, chaque jour je fais un mot, et tu les notes dans un cahier. Khlas, aujourd'hui je fais lundi. Mardi je révise avec lui le mot. Mercredi je fais jeudi. Un jour, même un jour sur trois. Refais-le un jour sur trois. Ba'da, ba'da. La femme, elle va apprendre, l'enfant va apprendre. Voilà qu'il ne reste pas sans rien faire. Ou alors, passer à des sujets ici qui te dépassent. Alors que la base de la langue arabe, ici tu ne la maîtrises pas. Au moins tu ne comprends pas. Et ça c'est un handicap dans la religion. Je ne dis pas de parler couramment, mais au moins il faut au moins comprendre. Au moins comprendre. Au moins tu entends une khutbah en langue arabe, tu comprends. Tu entends un dars en langue arabe, au moins tu comprends. Tu arrives à comprendre au moins le sens, en gros, au moins. Mais de là à rien comprendre. Et que la femme elle dise ou que l'homme dise, je connais même pas un mot d'arabe, même d'arija je connais rien du tout, donc je fais pas d'effort, alors qu'à la base elle a grandi dans une famille musulmane, alors qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles qui sont pas musulmanes et qui peut-être se sont reconvertis à l'islam à l'âge de 25 ans ou de 20 ans et qu'en un an, deux ans, trois ans de programme ils comprennent l'arabe littéraire, c'est une honte. Donc là c'est une chose à pas négliger, et quand on veut on peut, bi'idnillahi azza wa jal. D'accord? Quand on veut, on peut. Bi'idhnillahi azza wa jal. Donc je recommande fortement aux frères et aux sœurs d'apprendre la langue arabe et de parler avec ses enfants la langue arabe. Des mots de vocabulaire. De faire un programme régulier, même s'il est minime, même s'il est peu. Voilà qu'il de là où tu vois le frère qui a la barbe, le kamis. Je sais pas, je m'attaque au barbu, au kamis. J'ai la barbe, j'ai le kamis. Voilà qu'il c'est une catastrophe. Moi, je vous le dis honnêtement. Des gens qui ont la barbe et le kamis, je ne généralise pas, mais il y a beaucoup de cas. Wallah al-adim, qu'ils ont fait dégoûter des gens de la religion. C'est une réalité ou pas? Des sœurs qui ont le djilbab et sétal, ils ont traumatisé des gens dans la religion. Jusqu'à ce que des gens, quand ils voient des barbus, ou des gens en kamis, quelquefois, ils ont un dégoût du hada, je sais pas pour qui ils se prennent. Oui, quelquefois, tu regardes l'histoire. Afwan, pourquoi il dit ça? Tu reviens dans son histoire en arrière, il va te dire, bah, tel jour, une personne, il s'est assis à côté de moi, à peine j'ai fini la prière, moi je connaissais pas, je lui dis, la itaqabbel, c'est une bid'a, na'am. Lui m'a dit comme ça, a'udhubillah, c'est une bid'a, t'es un mubtadi'a. Peut-être il va te dire ça. Normal, et nous on a vu des cas comme ça. Il a eu un dégoût. Et allez où le hikma? Allez où le maw'idhat al-hasana? Allez où la bonne exhortation? Allez où, subhanallah, t'as voulu faire du bien, t'as fait du mal. Ici, c'est pour ça qu'il y a une règle en islam qui dit, laïsa kullu ma yu'raf yuqal. Ici, c'est pas tout ce que tu sais que tu dis tout le temps. C'est parce que tu connais une chose, tu vas la dire tout le temps et à n'importe quel moment et de n'importe quelle façon. Non! Tu le sais, il y a une manière de le dire. D'abord, ici, prépare la personne psychologiquement pour accepter ce conseil. Rappelle-lui ses qualités. Masha'Allah, la itaqabbal hafidhak Allah yalhaj, barakallahu fek. Ne m'oublie pas de tes invocations, jazakallahu khair. Tu parles un peu de dunya. Par contre, smahliya, wallahu a'lam, mais j'ai dû entendre, wallahu a'lam, j'ai entendu que, ici, le fait de dire tout le temps ça, la itaqabbal, c'est une bid'a, donc évite, mais wallahu a'lam. Voilà qui, masha'Allah. Khalas, le message est passé avec, c'est mieux que, astaghfirullah, a'udhu billah, tu lui laisses sa main dans le vent. Peut-être c'est un mubtadi', celui-là. Non, moi je le, c'est quoi ça? Donc nous disons ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, ici quand je parle de barbu et ici de gens qui ont le kamis, j'ai la barbe et j'ai le kamis. Walakin, ici, j'en fais pas une généralité, mais il y a beaucoup de cas et c'est ça qui fait le plus mal. Quand une personne sait, c'est pas comme une personne ne sait pas. Quand une personne agit avec l'apparence du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas comme quelqu'un qui agit sans avoir l'apparence du prophète alayhi salatu wassalam. Ou l'apparence de Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha pour les femmes. Donc nous disons, le jour aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de sœurs qui sont investis, masha'Allah, dans la religion, qu'Allah les préserve et qu'Allah les assiste, c'est masha'Allah. Et beaucoup de frères, et de plus en plus qui sont investis dans la religion, masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah nous raffermisse tous, et nous donne, et nous octroie une bonne fin, une fin heureuse. Voilà qu'il nous disons, ayyuhal ahibba, il faut que tout suive. Et la science, il faut qu'elle suive. C'est pas tu vas arriver à un stade où, toi, tu as la barbe, le kamis, et ta femme, elle a le djilbab, et vous avez grandi dans l'islam, ça fait plutôt, on va dire, 20 ans que vous êtes dans la religion. Et ton fils, il a eu 20 ans parce qu'il y a 20 ans, quand vous êtes rentré dans la religion, ici, vous avez eu un enfant. Au bout de 20 ans, ton fils, il a 20 ans, il connaît même pas un mot d'arabe. Pourquoi? Bah, mes parents, ils m'ont jamais parlé en arabe. Ils m'ont jamais rien appris. Mais ça fait, tu vas parler à les parents, ça fait combien de temps vous êtes investi? Ça fait 20 ans. Il y a un problème. Il est né, vous étiez investi dans la religion? Naam. 20 ans, il a appris quoi avec vous alors? Ah, il a appris tawhid. Il a appris tawhid. Ah, c'est devenu une mode maintenant, certains qui savent. Il a appris tawhid. Je crois que tawhid, c'est quoi? C'est un mot, tawhid. Tawhid, c'est une vie. Tawhid, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat, il faut vivre avec tawhid. Tawhid, il a pris tawhid. Il a pris, ouais, masha'Allah, les trois fondements et leurs principes. Et les gens, ils ont appris plus les titres que le contenu du livre. Ils ont compris plus le titre que tout le contenu du livre. Subhanallah, tawhid, c'est qu'une parole. Masha'Allah, tawhid, bien sûr. Tout commence et tout se base sur tawhid. Walakin, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat, la langue arabe, ça fait partie de l'islam. Et si c'est pas dire, tawhid, c'est tout, ça y est, je suis pieux, je fais partie des gens du paradis. Non! At-tawhid, c'est un tout, ayyuhal ahibba. Placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Si tu ne places pas ta confiance en Allah Azza wa Jal, comme il se doit, comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala, tu n'auras pas concrétisé ton tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ah, tawhid, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Al-yaqin, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. La peur d'Allah, c'est la confiance, c'est tawhid. Tout ça, ça fait partie de quoi? At-tawhid. C'est pas simplement dire des mots. Tawhid, un mot, stop, ça s'arrête là. Mais pour bien comprendre, c'est quoi la confiance en Allah Azza wa Jal, al-yaqin, c'est quoi la peur d'Allah, il faut des moyens, et parmi les moyens, la langue arabe. Donc nous disons, il faut parler un minimum en arabe, au moins en darija, au moins au début à nos enfants. Quelqu'un va dire, je ne sais pas parler l'arabe. Je vais encore dire, al-aslam tek, eh ben ici, vas-y, commence, fais un programme. Il n'est pas trop tard. Un petit programme, des mots de vocabulaire, comme ça, et jusqu'à comprendre. Billahi alaykoum, écoutez, ici, une exhortation, en arabe, c'est comme si tu l'écoutais en français, c'est pas pareil. D'accord? Bien que ici, alhamdoulilah, le fait de parler en français, d'écouter des exhortations en français, ou un anglais en anglais, un turc en turc, alhamdoulilah, ça va te monter l'iman, ça va être une cause que ta foi monte, ça va être bénéfique. Walakin, l'arabe, ça reste l'arabe. Tu écoutes une khutbah de Jumu'ah en langue arabe, ici, et tu écoutes la partie en arabe après la partie en français, ça n'a rien à voir. Sauf il faut que vraiment celui qui parle en français, il fournisse vraiment beaucoup d'efforts et qu'il ait une grande éloquence, etc. pour réussir à... Sinon, wallah, il adim, c'est même pas la peine. Les gens vont dormir. même si tes paroles sont très riches en science. Tandis que l'arabe, ça reste la langue arabe. Tu dis un verset en français et un verset en arabe, ça n'a rien à voir. Donc nous disons, la langue arabe, il faut au moins acquérir cette langue, ou au moins un niveau qui fait que on comprenne la langue arabe, pour pouvoir ici comprendre les douros et parler un peu avec nos enfants. Donc nous disons, ne délaissez pas et n'abandonnez pas et ne vous détournez pas de la langue arabe. Vous en rendrez des comptes ici au jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, apprendre la langue arabe, l'oratul arabiyya, c'est obligatoire. Wajib. Il dit c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que on ne pourra comprendre comme il se doit le Coran, le Karim et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, si on n'a pas la langue arabe, tu ne pourras pas comprendre comme il se doit. Et il dit donc ici, si c'est un moyen pour comprendre comme il se doit cette religion, donc ce moyen devient obligatoire. D'accord? Et donc certains gens de science, ils ont même dit, celui qui n'apprend pas la langue arabe et qui ne comprend pas la langue arabe, il est infime, il a commis un péché. Il a commis un péché. Donc nous disons ici, accrochez-vous à la langue arabe et à parler à la langue arabe avec vos enfants aussi. Du moins, je ne dis pas que l'arabe, mais parlez pas mal en arabe. Ici, parmi les choses ici qu'on recommande aux parents aussi, ainsi qu'à moi-même, pour la bonne éducation des enfants, c'est comme on avait dit, un équilibre. Et pour un équilibre, il faut que, comme je vous ai dit précédemment, le foyer soit préservé de beaucoup de choses. D'accord? Et parmi ces choses-là, c'est le fait de ne pas être organisé, de ne pas être ordonné, d'accord? Il y a de faire un peu n'importe quoi dans le foyer. Comme par exemple, laisser entrer n'importe qui à n'importe quel moment à la maison. Le fait d'avoir des invités à la maison, c'est quelque chose de bien. D'accord? Tu fais rentrer des gens chez toi, tu les invites à chez toi, c'est mashallah. Tu as une récompense, une forme de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal par rapport à cette nourriture qu'il t'a donnée et par rapport à l'habitation qu'il t'a donnée. Walakin, de là à faire rentrer des invités le matin pour le petit déjeuner, à midi, le 4h et le soir, tous les jours, jusqu'à ce que toi tu n'as plus de temps pour ta famille et ta femme elle a plus de temps pour s'occuper d'elle-même et des enfants, nous disons non. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez vos personnes et vos familles du feu, avant de sauver les gens, en les invitant, en essayant de résoudre les problèmes, etc. Occupe-toi de toi et ta famille. Déjà, si tu arrives à t'assumer toi, cette lourde responsabilité qui est toi, car ton corps c'est une amana, et la religion tout entière est une amana, un dépôt. Si tu arrives à préserver ta religion, et à préserver ton couple, et à préserver ici le comportement envers ton mari, et la mari envers sa femme, et à préserver cette bonne ambiance à la maison, et à préserver l'éducation de tes enfants, t'as fait déjà énorme. Après, à ce moment-là, mashallah, passe à la deuxième étape. Ici, essaye de faire le maximum de bien envers les gens. D'accord? Mais d'abord, ici, organise bien ton foyer. Structure bien ton foyer. Et quand tu invites des gens, de temps en temps. Ce n'est pas quatre fois par jour. Celui qui veut le faire tous les jours, la femme est au niveau, le mari est au niveau. Mashallah, à côté, ils ont du temps, ils sont bien organisés. Mashallah. Walakin de là, à quelqu'un me dise, moi, j'ai le temps et je m'organise bien et je le fais quatre fois par jour. Non, sauf si vraiment le couple n'a pas d'enfants, etc. Ça, j'ai du mal à croire. Donc, nous disons ici, ne pas inviter les gens, non. Inviter tous les jours quatre fois par jour, non. Il y a un temps pour les enfants. Comment voulez-vous que la femme qui passe sa journée dans la cuisine puisse avoir du temps pour elle et pour ses enfants? Donc des personnes disent à leur femme, moi je veux que tu sois pieuse, je veux que mes enfants tu les éduques dans l'islam, voilà qu'il lui reste dormir, il fait rien du tout, il travaille pas, il ramène pas de nourriture, il ramène pas d'argent à la maison, il fait pas de programme religieux à la maison, il n'éduque pas sa femme, il fait rien du tout. Subhanallah, c'est un robot que t'as à la maison. Voilà qu'il d'un côté, on ne dit pas que parce que la femme elle a un enfant ou deux enfants ou trois enfants, que ça y est, elle ne peut plus apprendre la religion. Non, elle a son rôle, voilà qu'il elle peut s'organiser, trouver une heure dans la journée, ou là une demi-heure dans la journée pour un programme, pour écouter un cours, il y en a un programme régulier, pour apprendre un peu l'arabe, pour faire un petit programme religieux aux enfants, et le mari, il aide sa femme. Par exemple, la femme, elle va dire, « Khlas, moi j'ai un moment dans la journée, moi c'est pour mon cours à moi. À côté, j'ai un moment, moi je fais un programme, par exemple, de lettres françaises, etc. à mon enfant, et toi, tu t'occupes un moment dans la journée, une demi-heure, tu fais un programme d'arabe aux enfants. » Par exemple, à titre d'exemple. Voilà qu'il nous faut une organisation. Et quand tu t'organises, wallahi, tu as le temps de faire plus de 100 choses dans la journée. Quand tu es pas organisé, deux choses, tu vas rien voir, tu vas dire la journée, elle est passée vite. Donc nous disons, « Awwalan, invoque Allah Azza wa Jal pour te faciliter ici ta vie et ton organisation. » Ici, vous connaissez le hadith très connu où Fatima radiyallahu ta'ala anha warda est venue voir le prophète alayhi sallam en demandant l'autorisation d'avoir une servante, un servant ici pour l'aider dans les tâches ménagères. D'accord? Quelqu'un qui l'aide dans les tâches ménagères, et elle s'est plainte, elle a dit quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait Fatima radiyallahu anha warda? Elle avait quoi? Elle avait toutes ses mains ici abîmées. Tellement qu'elle quoi? À cause de la meule. Elle avait son dos, des grosses traces sur le dos, les épaules. À force de quoi? De chercher l'eau au puits. Masha'Allah. Et tous ses habits étaient couverts de poussière. Subhanallah. Est-ce que maintenant une femme va venir nous dire, je suis épuisée, regarde les traces que j'ai dans le dos quand j'étais dans la cuisine et j'ai pris de l'eau de la cuisine et je me suis abîmé le dos, et regarde mes mains quand j'ai mis la marmite sur la gazinière, je me suis c'est un autre monde, c'est un autre monde. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, une femme, sauf dans certains pays, mais elle se fatiguera pas comme les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et est-ce que Fatima radiyallahu anha wa arda a été plus pieuse que nos femmes au jour d'aujourd'hui? Est-ce que nos femmes sont des Fatima? Sont des Aïcha? Comme nous, on n'est pas des Abu Bakr et des Omar. Mais regardez avec ça les lourdes responsabilités qu'ils avaient. À ce moment-là, avec ça, regardez comment c'était dur. Le prophète alayhi salam lui a donné une recommandation. Il a dit quoi? Dit avant de dormir, 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 fois chaque. Et dans une version, 34 fois, Allahu Akbar. Et ici, elle a depuis, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, il a dit, je n'ai jamais laissé ce dhikr, même lors de la bataille de Siffin. Regardez, ils ont pris cette recommandation. Et elle n'a pas eu besoin de quelqu'un qui l'aide. Donc ça a été un moyen. Donc on dit à cette femme-là, qui est un peu dépassée, ou à l'homme qui est dépassé par les tâches ménagères, ou bien par les responsabilités dans la famille, prends ce dhikr et cette recommandation prophétique, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, organise-toi, structure-toi et fais des invocations à Allah azza wa jalla pour qu'il te facilite ici les tâches ménagères, ton apprentissage dans la religion, ta transmission de cette religion, d'accord, et utilise les causes comme il se doit, et puis bi'idhnillah azza wa jalla, il y aura le baraka dans ton temps inshallah ta'ala, si tu prends conscience de l'importance de l'apprentissage de cette noble religion. Amma, si tu minimises l'importance de la langue arabe, de l'apprentissage de la religion, de l'éducation des enfants, bien sûr ici tu vas même pas te poser la question, est-ce que je dois faire un programme ou pas. Peu importe, c'est pas grave. Avant tout, il faut prendre conscience de l'importance de la langue arabe et de la religion et de l'éducation des enfants. Si quand tu as, ya Abdallah, ya Urtil Karima, si tu veux être parmi les gens, d'accord, qui quand ils ont atteint l'âge de, par exemple, on va dire, allez, je vais aller voir un peu loin, 45 ans, 50 ans, je veux pas dire ils se croisent les doigts ou alors ça, ils sont tranquilles, il y a toujours des épreuves. Walakin, quand ils voient leurs enfants, c'est parmi les gens les plus heureux. Si tu veux être parmi ces gens-là, il faut que quand tu es entre guillemets, la pêche, masha'Allah, tu es la force, tu es jeune, d'accord, tu as toute ta vitalité, alhamdoulilah, tu as la santé, tu as encore, masha'Allah, tu n'as pas encore vécu des milliers d'épreuves, tu es encore, masha'Allah, ferme dans ta pratique, au niveau de ta santé, hop, à ce moment-là, c'est là où tu dois fournir le maximum d'efforts. Pour après, alhamdoulilah, quand tes enfants, ils ont 20 ans, 30 ans, c'est trop tard. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire, écoute, mon fils, viens, c'est trop tard maintenant, tu récoltes les fruits. Pour que, au moment où tu dois récolter les fruits soient sucrés. Et tu ne sois pas comme les gens, et qu'Allah Azza wa Jal les raffermisse et les préserve et les assiste et fasse de leurs enfants des pieux quand ils atteignent 50, 60 ans. Quelquefois, quand ils ont négligé certains principes religieux quand ils étaient jeunes et quand il fallait vraiment faire des efforts, eux, ils ont arrivé 50, 60 ans, ça, ils sont fatigués, ils récoltent les fruits sont amers. Les enfants, soit ils sont en prison, soit ils sont dans la drogue, soit ils sont... Il y a un problème à ça. Je ne dis pas que ça est ikhlas. Peut-être ça peut être des épreuves quelquefois. Nuh, alayhi salam, c'est un prophète, son fils, il est mort. Mécréant. Ça peut être une épreuve. Walakin, en général, si quand tu étais jeune, 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu avais toute, alhamdulillah, tu avais la forme, la santé, et tu as fait vraiment toutes les causes et fourni tous les efforts, tu t'es vraiment fatigué pour éduquer tes enfants alors qu'ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, t'as tout fourni. Wallahi, après, alhamdulillah, khlas, tu récoltes les fruits. Et tu vois ton fils qui vient et qui s'occupe de toi, qui fait du'a pour toi, qui t'aide financièrement, qui t'aide dans la religion, qui te soutient. Si tu es dans ton lit de mort et si tu vois ton fils, alhamdulillah, venir, mashallah, avec l'apparence et le comportement d'un musulman pieux, vertueux, alhamdulillah, tu récoltes les fruits. Et c'est pas à ce moment-là où on a envie de faire des efforts. Et combien de parents on voit, Msakine, ils ont 50 ans, 60 ans, ils veulent se reposer, ils peuvent pas. Ah, ça commence les problèmes. Il entend son fils, il est là-bas, son fils, il est là dans la drogue, son fils, il est là. Subhanallah, il les laisse même pas tranquilles. Pourtant, ils ont plus de force, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Msakine. Combien de cas comme ça? Si tu veux pas être dans ce cas-là, fais toutes les causes. Pendant que t'as la pêche et mashallah, tu gonfles ton torse ici quand tu marches dans la rue, utilise cette pêche-là, entre guillemets, et cette santé-là, et cette force-là, et cette hymen, cette foi que tu as, qui t'a poussé à avoir ta barbe et le kamis, et toi ton djilbab, utilise tout cela, et mets-les ici, et fournis beaucoup d'efforts dans l'éducation de tes enfants. Et après, tu récoltes les fruits. Voilà qui ne sait pas, à 60 ans, tu vas commencer à te rêver. Ah, oh, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Khalas, dak l'ouad, il est passé, il est parti, ton fils, il a pris le train, le TGV, l'avion, m'cha. Où tu vas le rattraper après? Tu vas courir après lui. T'as même pas la force de descendre, de monter 3 étages. Tu vas faire quoi? Ad-du'a, na'am. في الدعاء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال سبحانه وتعالى adore ton seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude c'est-à-dire la mort ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah mais nous disons aux jeunes faites pas cette erreur pendant qu'on est jeune alhamdoulillah on doit fournir le maximum d'efforts pour avoir des enfants pieux vertueux et ne croyez pas que moi je suis en train de dire ça pour parce que moi je suis parfait dans l'éducation non on a tous des faiblesses on a tous des défauts on a tous ici des voilà que nous sommes en train d'essayer d'avancer tous ensemble vers la vérité et vers le meilleur. Si on est dans le bien, du bien vers le meilleur. Si on est dans le mal, du mal vers le bien. C'est ça le but. Le principal, c'est pas de reculer ou de rester stagné, mais c'est d'avancer. Et si on veut que nos enfants soient bien éduqués, il faut que d'abord on s'éduque comme il se doit. Et surtout ne pas négliger, ou plutôt ne pas se dire, comme certains se disent, mon fils, il est trop jeune. Regarde ici le prophète, alayhi salatu wasalam, ce qu'il dit par exemple à titre d'exemple. Comme il est relaté par ici, Ibn Yazid, rahimahullah ta'ala, est plutôt celui qui le rapporte, et il est rapporté par Al-Bukhari, ce athar. Il disait, on me fit faire le pèlerinage avec le prophète, alayhi salatu wassalam, alors que j'avais, regardez, c'est un homme, c'est un compagnon, il se rappelle qu'il a fait le pèlerinage avec le prophète d'Al-Bukhari, avec le prophète, alayhi salam, alors que j'avais, combien? 7 ans. Est-ce qu'il nous dit 7 ans, il est trop petit? Non, regardez, il a gardé ça dans sa mémoire, dans son cœur, na'am. Donc ici, dès que ton enfant est jeune, il commence à comprendre les choses, 3 ans, 4 ans, 5 ans, surtout 6, 7 ans, surtout cet âge-là, ne dis pas il est trop jeune, non. Ici, essaye de lui inculquer le maximum des choses selon son niveau. Essaye de le faire avancer. Essaye de faire graver dans son cœur et dans son esprit des principes religieux dont il va se rappeler jusque sa mort. On me fit faire le pèlerinage avec le prophète alayhi salatu wassalam alors que j'avais 7 ans. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, As-Sahaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardam, il rapportait que quoi? Ici, quand il faisait le jeûne, d'accord, il rapportait que les compagnons rapportaient que quand il y avait des jours de jeûne, par exemple obligatoire et surérogatoire, ils motivaient leurs enfants, ils étaient très jeunes, regardez. Ils motivaient leurs enfants à faire le jeûne, et quand ils arrivaient en fin de journée, d'accord, juste avant le maghrib, ils ne pouvaient plus commencer à pleurer. Je me sakine, il faut leur donner à manger. Va chercher les kinder. Il n'y a pas de ça. Au contraire, regardez, ar-rahma ici, c'est pas de dire mskin. Non, ar-rahma, c'est au contraire de le forger sur al-iman, sur taqwa Allah azza wa jal, sur le fait de ne pas être un paresseux, un fainéant, ou alakin quelqu'un qui te supporte. Ici, il faut qu'il supporte son plus jeune âge pour qu'il grandisse avec un caractère, masha'Allah. Et ici, il disait, quand ils commencent à pleurer, on leur donnait des sortes de peluches ou alors des sortes de poupées faites en laine, ici pour les distraire. Et ça marchait. Et khalas, ils arrêtaient de pleurer, hop, ils attendaient une demi-heure, une heure, hop, le maghreb rentrait et mangeait. Nous, au jour d'aujourd'hui, si tu vois ton fils, qui a 7 ans, 8 ans, et tu vas lui faire ça, ou alors 6 ans, 5 ans, et il va commencer à pleurer et tout, hein, 5 heures, et le maghreb c'est 2 heures après. Et il va commencer à pleurer, j'ai faim et tout, tu vas dire, même peut-être c'est Allah istara, a'udhu billah, j'ai fait quelque chose, c'est de l'extrémisme, c'est Dieu. Et toi tu vas dire, bon allez, je vais suivre la sunna, je vais aller prendre des jouets dans sa chambre, je vais lui donner. Wallah, et tellement qu'ils ont des jeux, tu lui ramènes même 2 PlayStation, il va te les jeter. Ça, il est habitué à aider, va lui chercher un truc dans le géant, ou là dans un centre commercial, tellement qu'ils ont des jouets. Ils donnent plus de quoi, de valeur aux jouets. Et ça c'est connu, tu ne connais pas la valeur d'une chose tant que tu l'as pas perdue. Et quand tu vois une chose tous les jours, que ça soit un jouet, ou que ça soit une personne, tu le donneras jamais la même importance que celui qui ne voit que très rarement ce jeu, ou très rarement cette personne. Donc, tous les jours, il voit ses jouets. Pour lui, c'est devenu had. Il rentre dans sa chambre. C'est, subhanallah, on dirait Jouetland. C'est, on dirait Disneyland Paris. Ça, ikhlas, il y a 1000 jeux, il y a presque des parcs d'attractions dans les maisons. Et avec ça, le petit ikhlas, il est jamais content. Oh, je veux pas ça. Et tu lui mets dans les rayons quelquefois bonbons, et tu dis choisis un paquet de bonbons et autres, et regarde, oh, je sais pas. Nous, à notre époque, c'est pas pour blâmer les parents. C'est ça que les parents, sinon on fait le tiers de ce qu'ils ont fait, c'est déjà masha'Allah. Partir d'un pays, venir ici et faire ce qu'ils ont fait, le travail, nous éduquer, nous élever. Nous, avec tout ce qu'on a comme bien, on n'arrive même pas à faire le tiers du tiers de ce qu'ils ont fait. Bref. Mais à la kulli hal, est-ce que toi tes parents, ils venaient, ils te mettaient dans le rayon de tous les bonbons, allez choisis tous les bonbons que tu veux. Quand tu voyais juste un bonbon qui était limitation de limitation, tu la voyais chez toi, t'étais heureux. Voilà que nous maintenant tu prends les grandes marques, pourquoi? Nous, je suis pas en train de dire là, on n'achète plus rien à nos enfants. Mais le problème, ayyuhal ahibba, c'est que maintenant on a été tellement pris par la vague qui s'appelle la dunya, qui sait, khalas, maintenant, Allah, on a été amené à délaisser beaucoup de principes religieux, des valeurs qu'avaient nos parents. je vais pas loin, nos parents, des valeurs qui étaient essentielles qu'avaient nos parents, on les a délaissées. Et maintenant, les enfants, ça y est, c'est que du caprice sur du caprice, illa man rahim Allah. Et si les parents font que très peu d'efforts, et les parents... Donc maintenant, ici, on dit, on doit se remettre en cause, et ici, se dire, il est temps de se réveiller, et de se réformer nous-mêmes déjà, pour que, bi'idnillahi azza wa jal, nos enfants puissent grandir dans une bonne ambiance, et de se rappeler, ici, que ça ne suffit pas d'avoir l'apparence religieuse, mais il faut que le comportement et tout le reste suivent. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Il y avait beaucoup de choses encore à dire. Voilà, qu'ici, je pourrais faire des conférences et des conférences. Voilà, nous accueillons les hadiths sur l'éducation des enfants, mais je veux citer quelques points. Je citerai juste un ou deux points encore la semaine prochaine, et on rentrera dans les détails concernant al-shirk, car Luqman al-Hakim a dit wa idh qala Luqman li-ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunay la tushrik billah inna shirka la-dhulmun 'azim. Quand Luqman a exhorté son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Ne donne aucun associé à Allah azza wa jalla. Donc on va parler de al-shirk billahi azza wa jalla et voir les deux types d'associations dans les détails bihawlillahi azza wa jalla, et donner beaucoup d'exemples concrets pour bien comprendre ce qu'est al-shirk dans ces détails. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fina wa fikum.